Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. La Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Robertval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Robertval et fier commanditaire de la chronique de l'instructeur chef, Patrice Gagnon. On va parler de hockey, ouais. Les Sabres de Robertval Junior 2A ont un nouvel entraîneur chef. Il s'agit de Guillaume Guy qui succède à Patrice Gagnon qui a démissionné la semaine dernière juste avant le match. Question de savoir un peu les raisons, comment ça s'est passé. On va parler avec le nouvel entraîneur-chef Guillaume Guy. Salut Guillaume! Salut Danny! Guillaume, d'abord, est-ce que tu t'attendais d'avoir à prendre ce poste-là immédiatement? J'imagine que non, hein? Ah, c'est sûr que non. Au début, j'avais embarqué avec Patrice. Ben, l'année passée, j'étais avec Jason. OK. Puis j'avais mis mon expérience. L'organisation voulait me garder dans le coaching staff. Fait que ils m'en ont parlé, puis Patrice m'a appelé tout de suite si ça m'intéressait d'embarquer avec lui. Fait que j'ai eu un petit moment de réflexion, parce que quand un entraîneur part, c'est toujours plate un peu, parce que tu travailles un an avec, hein, ou un an, ben ou oui. Un an ou trois ans avec, dépendamment. Mm. Puis avec Patrice, je le connaissais un petit peu, on vient du même coin, fait que je savais sa carte de route. Puis non, j'étais bien à l'aise de travailler avec Patrice, puis comme adjoint. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux en savoir davantage? C'est sûr que tu ne peux pas parler pour lui, mais tu peux quand même me dire qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ce qui s'est passé, je pense que Patrice était découragé un petit peu là, par rapport à la situation avec les joueurs là, qu'il y avait. OK. Il y a eu beaucoup de blessures aussi qui sont arrivées. Beaucoup de blessures qui sont arrivées dans les derniers temps, là, que ça fait qu'on a perdu des joueurs un petit peu. Puis que là, on était moins aux entraînements, mais que c'est ça, là, il était comme découragé, puis c'est pas mal ça, là. Qu'est-ce que tu t'as... Puis là, finalement, qu'est-ce que tu penses que ça... toi, ça te dit quoi de prendre ce défi-là? Parce que c'est pas facile, là. On fait juste des entrevues, mais moi, je trouve que c'est difficile, c'est une équipe qui gagne pas, le moral est dans les talons. Comment tu vois ça, tout ça, là? C'est sûr que la confiance, c'est pas beaucoup là, mais une confiance, c'est toujours quelque chose qui se travaille. Ouais. Ma décision est venue que ça doit faire 7-8 ans que je suis adjoint. J'ai commencé au niveau Bantam 2B. J'ai gradué midget ensuite comme adjoint. Puis là, ma deuxième année avec les Sorts. Moi, dans ma tête, c'était le tremplin, c'était le coup de pied que ça me prenait pour m'envoyer go sur le temps. Puis moi, je connais beaucoup les jeunes qui sont là, parce que je les ai coachés aussi auparavant dans le Bantam Midget. OK. Puis moi, je crois que je suis capable d'amener l'intensité que ça prenait dans les derniers matchs, là, puis d'essayer de ramener les joueurs un petit peu aussi. Moi, je crois que c'était à cette équipe-là. OK. Puis je suis sûr qu'on peut aboutir à des grandes choses. On n'a rien de perdu encore. Je veux dire, ce qui est important, c'est une série. C'est sûr que la saison, c'est bon pour la confiance et tout ça aussi. Là. Mm. Mais on travaille beaucoup pour les séries. Puis le tournoi à l'extérieur, normalement, c'est toujours les deux objectifs là, qu'on se donne en début de saison. Fait que moi, je crois que je suis capable d'embrasser la barre. Puis je vais foncer. Puis je pense que les gars sont en meilleur de moi aussi. OK. Puis là, on va aller comme ça, puis on va travailler fort. Oui? Il se passe quoi, je veux dire, du côté des adjoints? Est-ce que là, j'imagine que tu as des adjoints à nommer, c'est ça? Non. Là, présentement, j'ai pas j'ai 6 poils que je vais garder avec moi pour le moment. Okay. J'ai tendu 2-3 perches. J'attends des réponses là, pour des adjoints. C'est sûr que, vu que ce sera ma première année, ma première demi-saison en chef, j'aimerais savoir quelqu'un avec l'expérience avec moi. C'est quelqu'un qui a coaché en chef beaucoup, soit au niveau junior ou au mid-chef ou d'un calibre inférieur. Juste pour amener un petit peu de stabilité et amener un petit peu de confiance. Là. Moi, j'ai confiance en mes moyens, mais tu sais, t'es jamais ben trop entouré. Dis-moi, as-tu l'occasion de rencontrer les joueurs pour essayer de peut-être de repartir toute l'année à zéro, faire un délit, là? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Ça devrait être le mot d'ordre. Là, c'est notre première pratique ce soir. OK. Avec moi en charge. Fait que, c'est sûr que ça va être le mot d'ordre d'essayer de recommencer à zéro. Puis que, comme j'ai dit tantôt, dans ma tête, on n'a rien perdu encore. Fait que c'est le moment de recommencer à zéro, puis de rebâtir une confiance, puis de remporter des matchs, ou du moins être compétitif dans tous les matchs. C'est arrivé en début de saison, on était compétitif dans tous les matchs, des fois ça virait pas de notre côté. Là, samedi, on a gagné contre Normandin, samedi passé. Ouais, ça a aidé, ça? Puis on a senti que ça virait un petit peu, ça commençait à virer fort un petit peu. Là. Fait que, OK. On va partir sur ce positif-là, puis moi, je suis bien confiant, puis j'ai bien hâte de vivre l'expérience. OK, OK. Y a-t-il eu des transactions depuis, parce que c'était la période limite des transactions, est-ce qu'il y a eu des échanges de fin? Non, ben pour nous autres, non. On a repêché un joueur de 21 ans là, qui était libre, qui a joué 2 années à Alma. OK. Il a été libéré par les Odelons juste avant la date limite. Puis nous autres, comme on avait 3-21 ans, ben on est allé chercher ses services, c'est Christopher Gilbert. OK. C'est un bon joueur que je crois qu'il va fitter dans l'entourage d'équipe. C'est un gars qui a de l'intensité. Puis capable de produire offensivement aussi. Fait que, on a bien hâte de d'avoir ses services avec nous. OK. Donc, en fin de semaine, ça dit quoi pour ton premier match, là? En fin de semaine, les Odelons d'Alma vendredi à Mastéache. OK. Ensuite, samedi, la deuxième équipe au classement, les Saguenay-Chicoutimi. Ils vont être à Mastéache aussi. Fait que deux gros matchs à domicile pour commencer. Généralement, Guillaume, quand il y a un nouvel entraîneur, ça donne toujours de l'énergie. Il y a toujours de l'énergie, donc ça devrait t'aider pour en fin de semaine, là? Ouais, ben, je pense que oui. Puis on l'a vu un petit peu samedi aussi. On voit beaucoup dans le professionnel aussi, quand ça arrive, soit une démission ou un congédiement. Ouais. Des fois, les joueurs, ça donne comme un second souffle un petit peu, là. Comme tu as dit, un petit peu plus d'énergie, là, mettons. Ouais. Là, c'est comme ça que je le vois, puis c'est pour ça que la confiance est là pour ma part. OK. Ben, on s'en reparle. La chronique des sables, on va la faire régulièrement, donc comme on l'a toujours fait. Et on s'en reparle mercredi prochain, Guillaume. Y a pas de problème, Danny. Voilà, donc l'instructeur-chef des sabres de Roberval, Guillaume Gay.